Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Gemozo pour l'émission La Parole est à vous. Alors on prend l'antenne avec un petit peu de retard parce qu'il y a eu quelques ennuis techniques. Hein, ça peut arriver. Je vous rappelle simplement qu'on est en compagnie de Jean-Paul et Jean-Noël, donc qui représentent Falière Sport Détente. Et on va parler bien sûr surtout de marche nordique ce soir, puisque cette association fait surtout la promotion de la marche nordique, mais pas seulement. Pas seulement, non. Alors, c'est l'association qui a été créée quand ? Alors, l'association a été créée en 1991, plus précisément le 12 septembre, suite à la fermeture de l'école de Falière. Ça, c'était fait à l'initiative de parents d'élèves qui souhaitaient garder une activité dans cette salle. Donc, au départ, il y a eu de créer la gym volontaire. Ensuite, il y a eu d'autres. Il y a eu la Zumba, séance de step. Ensuite, section de randonnée qui a été créée en 2004. Puis, la section marche nordique en 2010. Une section de yoga depuis septembre 2015. Et bien sûr, Falière Sport Détente organise aussi la marche populaire. Cette année, ce sera la 20e. On organise aussi avec l'USEP la marche scolaire. Voilà en gros donc toutes nos activités. Donc ça fait déjà, la marche nordique est assez récente. Et là, l'association a combien d'adhérents ? Parce que je suppose que c'est une des plus importantes associations de Saint-Nabord. Oui, donc on est l'an dernier. Ah, la saison... On parle de Falière, c'est Saint-Nabord. C'est vrai qu'il faut qu'on le dise à nos auditeurs parce que c'est. Il n'y a encore pas de mairie à Falière. C'est pas toujours évident. Saint-Nabord est très grand. C'est une des plus grandes communes des Vosges, si ce n'est la plus grande sur le Val d'Ajol, je crois. Le Val d'Ajol et la Bresse. Donc, à la Bresse aussi. Pour la saison 2017-2018, il y avait exactement 323 adhérents. C'est énorme. 170 à la marche nordique. Donc, puisqu'on va parler de marche nordique. C'est une émission sportive, en tout cas. Oui, en quelque sorte. Alors, une fois présentée l'association, c'est vrai que c'est intéressant de s'attarder sur le concept de la marche nordique. Il est né comment, ce concept marche nordique ? Le concept de marche nordique, quelques personnes s'y intéressaient, dont moi, donc il y a une... Je suis pratiquant personnellement depuis une dizaine d'années. Et il faut refaire un peu l'historique de la marche nordique, d'où ça vient, comment ça a été créé, etc. Et la marche nordique est née principalement dans les pays scandinaves, enfin, c'est pas principalement, c'est avant tout dans les pays scandinaves, notamment en Finlande, pour pallier notamment... Donc aux saisons creuses, quand il n'y avait plus d'enneigement, pour les skieurs de fond. Les skieurs de fond donc, avaient besoin de s'entraîner et de ce fait cherchaient donc, une activité, voir comment s'entraîner pendant les périodes de manque d'enneigement. Et donc ça, c'était dans les années 80. Donc c'est relativement récent. Relativement récent et ancien pour les pays scandinaves, où ça a une très grande cote, la marche nordique, hein. Oui. Et donc, pour vraiment un développement en France, les pays plus méditerranéens, donc il y a une dizaine d'années que ça a commencé la marche nordique. En France ? Guerre avant. Et je dirais que Falière Sport Détente est une des assos précurseurs sur le département. Quoi. On a fait une petite formation initiale, nous, avec un monsieur qui s'appelle Patrick Maire d'Épinal, avant de faire notre formation vraiment de monitorat de bénévole premier degré. Et c'était en 2010-2011. Et donc vraiment, aujourd'hui, on est parmi les précurseurs en marche nordique. Alors que maintenant, on voit beaucoup d'associations sportives ou club vosgien ou associations athlétiques qui créer des sections de marche nordique. Donc, il y a un réel développement aujourd'hui. Mais pour ceux qui ne sont pas très sportifs, en fait, ça consiste en quoi ? Il y a des bâtons. Tout à l'heure, je vous posais la question bête. C'est marcher avec des bâtons ou des piolets ou... En fait, la marche nordique, c'est quoi sa particularité ? Comme marche, en tant que marche. Excusez-moi. Donc, sa particularité, c'est d'avoir effectivement des bâtons très spécifiques à la marche nordique. Ils ne sont pas, les bâtons ne sont pas comme les bâtons. C'est pas ski. Des bâtons de marche classiques. Hein, ça ressemble plus aux bâtons de ski. Les bâtons, voilà. Donc déjà, ils sont en fibre de carbone. Donc en taille, c'est des bâtons qui sont, on appelle monobrins. Oui. Donc il y a pas, c'est pas des bâtons rétractables parce que quand on pousse sur les bâtons, il faut pas qu'ils glissent. Qui glissent, qui se Ils ont la particularité d'avoir des gantelets. Donc on a des gantelets donc autour du poignet, autour de la main. Et donc la particularité également, c'est d'avoir des pointes pour les bâtons qui sont les plus techniques. Oui. C'est ceux dont on dispose à Falaise pour détente et c'est ceux qu'on préconise. Ce sont des bâtons avec des pointes courbées qui sont en tungstène. Donc ils sont très résistants. Donc même si on marche sous de la rocaille, sous les cailloux, des choses. Voilà, c'est pour tout terrain. Pour tout terrain. D'accord. On peut même éventuellement faire de la marche nordique sur des circuits en macadam en ajoutant donc des patins en caoutchouc. Mais bon, c'est pas, je dirais que c'est pas. Oui, c'est pas un attrait. Oui. Le but avant tout, c'est d'aller faire de la marche nordique en forêt, sur des sentiers de montagne, faire des sentiers découvertes, je sais pas, les plateaux des Milletans, et tous les sentiers de Saint-Nabor avant tout. Ah oui, le plateau des Milletans. Sur de la neige tassée, par exemple. Comment ? Sur une petite couche de neige, la neige tassée. Sur de la neige tassée également, oui. Mais par rapport aux bâtons classiques, par exemple, est-ce que c'est plus facile d'avancer avec des bâtons de marche nordique ou des bâtons de marche classique ? C'est plus facile, bien entendu, d'avancer avec des bâtons de marche nordique, parce que le bâton de marche nordique avec les gantelets, on va avoir une attaque à 45 degrés. D'accord. Avec les bâtons, et on va amener loin le bras derrière, avoir vraiment une propulsion du corps vers l'avant, et vraiment à dérouler. Donc, on dit toujours. Dérouler son corps au niveau. Oui, c'est peut-être une démarche plus souple que la marche. C'est peut-être moins violent. Plus ample, surtout. Plus ample. Plus ample, c'est peut-être moins violent, en fait. Beaucoup moins violent, donc. Par exemple, que le footing, que le running, la course au macadam. Quand on a vraiment acquis la technique de marche nordique, on allège le poids du corps de 30%. D'accord. Donc après, on parlera des bienfaits. Je voudrais faire un petit aparté sur Patrick Maire, parce que je crois que c'est un des amis d'RGM. Je l'ai invité à un moment donné. C'est pas celui qui avait fait du VTT au Ladakh autrefois. Je ne pourrais pas dire. Il est enseignant d'éducation physique, C'est la même personne c'est la même personne qu'on a eu le plaisir d'accueillir autour des micros d'RGM. Il y a de ça, quoi. Quinzaine d'années à peu près. À peu près dans les mêmes moments que Jean-Noël, tu vois. Et il nous faisait, si c'est cette personne-là, bien sûr, si c'est notre ami, on avait parlé longuement de sa randonnée au Ladakh. C'est sur le piémont de l'Himalaya. Un mois pratiquement de VTT. Un sacré talent, sans accompagnateur, ni quoi que ce soit, à plus de 5000 mètres d'altitude, parce que le Ladakh, c'est haut. Le Tibet n'était plus accessible, pas oublier, depuis l'invasion chinoise du Tibet, c'est un monde fermé. Le Tibet, il faut vraiment avoir des passeports, etc. Donc, il était sur le Ladakh. Le Ladakh est province de l'Inde, je crois. Effectivement, c'était un adepte de trek. Et il a fait aussi de la course à pied avec nous. Mais vous, Jean-Noël, ça ne se souvient peut-être pas. Voilà. Parce qu'il faut quand même que je présente Jean-Noël. C'est un ami de longue date. Il est déjà venu dans les studios d'RGM. Mais ça date de nombreuses années en arrière quand même. On est encore jeune, n'est-ce pas, Jean-Noël? Et on avait parlé de marathon à ce moment-là. Toujours jeune. On avait partagé notre expérience marathonienne et en particulier celle de Jean-Noël avec son récit du marathon de New York. Vous avez fait le marathon de New York. Oh, il n'a pas fait que ça. Il a fait énormément de marathons. Hein, et puis il tenait un magasin d'ailleurs à Remiremont qui avait le titre de marathonien. Voilà. Oui. on peut faire confiance aux pros. Hein, Merci. Oui, cette marche nordique, y a-t-il une fédération en fait de la marche nordique? Il y a une fédération, il y avait la fédération de Nordic Walking qui était créatrice, je dirais importatrice du concept de marche nordique, mais comme en France, tout doit être chapeauté par une fédération agréé par le ministère des Sports. Donc aujourd'hui, c'est plus la Fédération française d'athlétisme, la FFA, la Fédération française d'athlétisme, c'est pas la. Oui, oui. C'est pas la marche tout court. Ben, c'était. Ouais, c'est une marche sportive, c'est l'athlétisme. Ça reviendrait plutôt à Nordic Walking, qui est la créatrice et importatrice du concept de marche nordique. Mais ça doit être malheureusement ou heureusement, je dirais, chapeauté par une fédération agréée par le ministère des Sports. Oui, puis c'est très intéressant pour la FFA, la Fédération française d'athlétisme, parce qu'elle a les cotisations, les cotisations à licence, qui rapportent beaucoup d'argent à la FFA. Ah bah oui, vive. Ouais. Il y a à peu près, je crois, 500 000 licenciés à la FFA. Alors la FFA se gargarise un peu de nouveaux licenciés, mais ce ne sont pas des nouveaux licenciés athlétisme, ce sont surtout des nouveaux licenciés marche nordique. Marche nordique, oui. Bien sûr. Tous ceux qui encadrent les clubs d'athlétisme sont obligés de prendre une licence aujourd'hui. Alors donc ça fait. Mais alors on est obligé de prendre une licence. Pour une question d'assurance, couverture. Et puis les fédérations ont une exclusivité pour organiser une manifestation. Hein, c'est-à-dire que si une manifestation, tu m'arrêteras Jean-Noël si je me trompe, c'est-à-dire qu'une manifestation ne peut être organisée que sous l'égide d'une fédération qui est censée encadrer cette manifestation. Oui. Puis d'ailleurs, c'est une certaine sécurité quand même au point de vue organisation, au point de vue médical, au point de vue assurance. D'avoir quand même un cadre structuré. Une fédération d'un club derrière. Et c'est tabou de parler du prix? Vous pourriez nous dire combien? Pas du tout. Donc c'était prévu également d'en parler, puisque à titre d'information, on reprend l'activité marche nordique le 15 septembre. Et on a toujours, en fait, les gens qui veulent découvrir, on souhaite qu'ils soient nombreux, bien sûr. On leur demande de payer simplement 5 € par séance découverte. Oui. Et après, si les gens veulent adhérer à Falaise Sport Détente à la section de marche nordique pour le courant de l'année, c'est un coût modique, je dirais bien modique, parce que on demande un coût de 45 € l'année. Oui. Oui. Pour la nouveau la licence. Enfin, nous, on n'est pas affilié à l'FFA. Hein. Attention, oui. Beaucoup d'associations ne sont pas affiliées à l'FFA. Hein. Nous ne sommes pas associés. Pourquoi? Parce que c'est un coût aussi. Hein. Nous, un adhérent paye 45 € à l'année. Quand vous prenez une cotisation FFA, c'est 100 voire plus. Oui, tout à fait. Je parlais des séances d'essai. Excusez-moi. Le fait de ne pas de choisir de ne pas adhérer à la FFA, hein, qui est donc la fédération qui chapeaute. Oui, qui chapeaute. Alors, pas de problème. Vous êtes illégaux alors? Non, on n'est pas illégaux. Parce qu'il y a un club. On a le droit de courir sans licence FFA. On a le droit de marcher et faire de la marche nordique sans. Oui, voilà. Sans oui, licence FFA. Ça n'a rien dit. C'est notre association qui assure les adhérents. D'accord. Ah d'accord. Oui, oui. On a une assurance en bonne et due forme, donc pour garantir donc tous les participants, les encadrants, les moniteurs, etc. D'accord. Donc, oui, parce qu'il y a des moniteurs. Et 45 euros, ça suffit ou bien vous avez du sponsoring pour réussir à boucler le budget? Non, mais tous les initiateurs, donc on est un peu plus de 20 initiateurs premier degré, donc on est tous bénévoles. Oui, bien sûr. Donc on n'a que des bâtons pour au départ, quand des gens viennent nous voir pour l'initiation, pour la découverte, donc on prête les bâtons, on a un stock de bâtons, mais on n'a pas tellement d'argent à dépenser par le fait. Vous ne faites pas de déplacement? On fait quelques déplacements. Mais à la charge de... On ne fait pas du tout, parce qu'il existe la marche nordique existe bien sûr en compétition aujourd'hui, il y a un championnat de France, un championnat du monde, mais nous on ne fait pas de compétition. D'accord, c'est uniquement d'initiation. Oui, je voudrais revenir, enfin pour terminer sur les tarifs, balade, quoi, du sport. Pour les tarifs, donc je parlais de 5 euros enfin, pour les futurs adhérents et les gens qui sont intéressés, 5 euros par donc, séance découverte. Si les gens adhèrent donc, pour l'année, ces 5 euros-là, ou les 10 euros-là, pour les deux séances, par exemple, d'initiation, sont décomptés lorsque... Quand ils prennent leur licence. Voilà. Oui, donc c'est vraiment un avantage. Voilà, ils ne payent pas 5 plus 45, ils vont payer 45 au total, donc pour l'année. Oui, pour ce qui concerne vraiment, 45 donc, plus 5 plus 5, d'accord. Les tarifs, quoi. Oui. Tout est remis à zéro, le compteur est remis à zéro. Et oui, alors vous avez des moniteurs? Dernière question, peut-être avant la pause. Oui, vas-y. Oui, les moniteurs, en fait, ils sont là pour qu'il doit quand même y avoir des choses à apprendre. Tout à fait. Donc, c'est une technique particulière. Donc, l'apprentissage du maniement des bâtons, de la marche, tout simplement. Donc, ouais. Il y a une technique très spécifique. Donc on ne s'improvise pas marcheur nordique du jour au lendemain, quoi. Mm-hmm. Si on voit des gens qui marchent, nous, ça nous fait parfois sourire de voir des gens qui ont des bâtons de marche nordique et qui manifestement n'ont pas la technique. Ouais. Non, mais tous les initiateurs sont diplômés, ont suivi une formation. Voilà, c'est ça que je voulais vous demander. On est passé par la case stage, donc soit avec des gens comme Gérard Barnabé, donc pour le premier groupe de marche nordique, donc avec Aria, donc tous des gens, Aria qui est une des précurseurs, qui est scandinave. C'est un diplôme jeunesse et sport, c'est... C'est pas un diplôme jeunesse et sport, non. C'est un diplôme interne. C'est un diplôme spécifique marche nordique. Oui. Alors qui vous l'accorde? On vous dispense une formation, mais qui accorde véritablement l'agrément? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, la fédération initiale de Nordic Walking. D'accord. Voilà, donc qui enseigne donc toutes les bases. C'est une fédération qui est nationale. C'est international. Il y a des rassemblements nationaux et internationaux de marche nordique. Mais il y a quand même un fiche social. De cette fédération. Le siège social, je ne pourrais pas trop dire. Quoi. Ah oui, je pourrais pas trop dire. Bah, vous avez des contacts réguliers quand même, je veux dire. Par téléphone, par mail, etc. Oui, oui. Quoi. Mais enfin, en tous les cas, il faut revenir sur la formation. On a une formation de 4 à 5 jours, donc qui est à la fois donc, technique audio, technique sur le terrain, donc, et surtout, bien sûr, technique sur le terrain. Et vous les payez, évidemment. Une pédagogie, vous encadrez des jeunes également. On encadre nos groupes, donc on encadre nos adhérents. Mais vous avez... Ah oui, alors, avant de s'accorder une pause musicale, vous avez de quel âge à quel âge? Alors ça varie vraiment. On n'a quand même pas de tout jeune. C'est quand même pas... Ah oui, il n'y a pas de scolaire, par exemple. Non, il y a eu quelques jeunes, mais très très peu. Disons de moins de 18 ans. Quand je parle de jeunes, des mineurs, quoi, de moins de 18 ans. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il y en a eu un tout petit peu, mais je ne connais pas exactement la moyenne d'âge, mais je pense que ce sera autour de 50 ans. La première dimension de bâton de marche nordique est 1,05 m. Donc, ce n'est pas adapté pour les minots, je dirais, donc pour les gamins. Donc, et après, les bâtons, on peut mettre beaucoup plus grands, jusqu'à 1,25 m, 1,30 m pour les grandes tailles. C'est réservé aux adultes, quoi. Oui, les bâtons sont, évidemment, ils sont comme les skis, adapté à la taille. À la taille de la Et dernière question sur les moniteurs. Jean-Noël, vous me disiez que c'était, ils n'étaient pas payés non plus. Non. On est tous bénévoles. On paye notre formation. Donc, l'association paye la formation. Ouais. Paye la formation des initiateurs. Ouais. Et nous sommes tous bénévoles. Et qu'est-ce que vous préférez finalement ? Vous préférez faire les marches ou former les gens ? On forme les gens en marchant. C'est un ensemble. Petite parenthèse. Depuis l'an dernier, donc on s'occupe aussi de marches nordiques santé. Donc ce sont des gens, des gens qui sont. Ouais. Qui sont en surpoids, qui sortent d'opérations ou autres. Mm-hmm. Et les médecins nous envoient ces gens-là pour leur faire reprendre une activité physique. D'accord. Voilà, on va aborder le sujet justement. C'est les médecins qui travaillent avec vous. Oui. On va s'accorder une pause musicale. Voilà, nous reprenons l'antenne donc avec Falière, Sport Détente. Donc Jean-Paul et Jean-Noël qui sont venus nous présenter donc cette association et parler essentiellement ce soir de marche nordique, hein, puisque la saison va reprendre à mi-septembre, Le 15 septembre, effectivement. Alors, excusez-moi, pourquoi il y a une saison ? Mais c'est normal. Disons que on fait une saison, mais enfin, en fait, on fait quand même quelques séances donc découvertes donc en été, puisque donc tous les jeudis soirs une séance de marche nordique de 18h30 à 20h30. Actuellement. Ouais. Pour mon déshonneur, c'est juste. Comme les associations qui ont une rentrée, quoi. Voilà, exactement. Oui, parce qu'il est toujours bon quand même de faire une coupure estivale. Je me suis trompée. Bien sûr. Oui. Un peu pour tout le monde, je dirais. Donc, pour l'activité, pour les encadrants. Vacances obligent. Mais oui. Et je voudrais quand même revenir un peu sur l'équipement. L'équipement. Et le matériel. Donc, on a parlé beaucoup des bâtons spécifiques de marche nordique. Bon, il faut... Ça coûte cher. On a bien sûr... ça dépend de la qualité des bâtons, du pourcentage de carbone qu'il y a dedans. Mais Jean-Noël, tu as les prix plus en tête que moi. Une paire de bâtons, tout dépend du pourcentage en carbone. Un bâton, si on prend 30-40% de carbone, ce qui convient tout à fait pour la marche nordique, pour un débutant comme même déjà un confirmé, il faut compter entre 60 et 80 euros. La paire, c'est pas quand même. Bien sûr. C'est pas un équipement qui est très cher. Oui. Il y a des chaussures, il faut prendre des chaussures spécifiques. Voilà, donc les chaussures, on va plutôt s'orienter vers des chaussures type trail. Donc une basket type trail. Hein, donc on va beaucoup marcher en forêt. Mais surtout pas de chaussures montantes type montagne. Donc qui ont une tige haute. Et comment on fait. Et qui bride les mouvements de la chute. Voilà, qui bride les mouvements de la chute. Et notamment, comment on a un développement. Une propulsion assez importante, la chaussure montante frotterait sur l'os. Le tendon d'Achille. D'inflammation. En général, les gens recommandent aux gens de venir tout le temps avec des chaussures type basket trail. Basket trail, ouais. Oui, parce que là c'est la personne qui va choisir ce type de chaussures. Mm-hmm. Hein, bien sûr. Qui, bien sûr. Oui, puis comme pouvoir faire véritablement du tout terrain, on va dire. Oui, oui. On marche souvent tout terrain, donc c'est quand même préférable d'avoir une chaussure qui tienne bien. Un petit peu crantée, quoi, mais pas non plus, on ne monte pas aux arbres. Hein. Mais alors, tout terrain, vous avez traversé quoi comme paysage, en fait Partout. Partout. Tout type de rocailles, de sentiers. La France, partout. Mais, quoi. Est-ce que vous avez un itinéraire sur Saint-Nabour, par exemple, préféré? Il y a plein d'initiations. Est-ce qu'il y en a un spécifique? Je suppose que vous prenez beaucoup des sentiers du Club Vosgien. Une partie, oui. Et vous créez vos propres sentiers, si on peut dire, votre propre... Vous partez carrément quelquefois dans la nature sans s'occuper de trop des sentiers balisés. On pratique quand même beaucoup sur sentiers balisés. Oui, bien sûr. Ouais, pour la sécurité. Prendre la forêt comme elle vient. Donc le respect de la nature. Hein. Oui, bien sûr. Tout à fait. Mais on a vraiment un terrain qui s'y prête sur Saint-Nabor avec des terrains souples parce que c'est intéressant quand même d'avoir un terrain relativement souple pour le planter de bâtons. Pouvoir pousser, parce que si vous êtes sur des cailloux, sur du gravier ou autre, donc c'est quand même beaucoup moins intéressant. Oui, la pratique ne peut pas se faire correctement. C'est-à-dire que ça gêne la conception. Ça gêne le fait de pousser les bâtons, bien sûr. Tout à fait. Ouais. Vous avez commencé à parler tout à l'heure un petit peu des bienfaits au point de vue de la santé. On va aborder le sujet. Ah, vous y arrivez, hein. Oui, on va aborder le sujet. Alors, vous parliez des sentiers. Donc, les sentiers, donc, on essaie de, pour ne pas lasser donc, les adhérents, on pratique une activité sur un site par rapport à partir du stade de Falière pendant 2 mois. On travaille après sur le site de Puzieux, sur le site de la Patte d'Oie, sur le site du Roncaillou. Ça ne me dit rien. Donc, les différents endroits ne manquent pas à Saint-Nabor. Et donc, il y a une foultitude de sentiers qui ne sont pas lassants du tout. Oui. Et donc, là, ça permet de faire d'une manière très ludique. Le rond caillou. Alors, à Lyon, il y a le gros caillou. Alors, le rond caillou, moi j'ai c'est Saint-Nabor, hein. Un gros bloc tectonique, on peut l'appeler comme ça, qui se trouve à un endroit. Puis... Caillou qui est au-dessus. Canoël va nous le décrire. Qui est au-dessus de Saint-Nabor, donc. Oui. Bon, gros, il n'est pas énorme, quoi. Comme la pièce ici? Comme la table. Comme la table. Ah d'accord. Personne ne voit la table. Personne ne voit la table, oui. Pardon. Pardon. Il fait quand même plusieurs tonnes. Oui. On va dire environ 2 mètres de diamètre, quoi. Oui. Voilà, c'est ça en gros. Et est-ce qu'il y a un sentier? Je fais une petite aparté à l'émission, mais j'ai visité un lieu dont je ne me souviens plus du nom du site. C'est près d'un étang vers Saint-Nabor. Ça fait comme des maisons, il y a des rochers qui sont encastrés dans la montagne, dans la forêt, et en fait ça fait il y a des trous dedans, c'est un peu comme des roches de pudding, non? Peut-être des abris sous roches, tu veux dire abris sous roches, quoi. Il y en a aussi à Saint-Nabor. Connaissance pas, mais bon, alors il faut revenir sur Remiremont. Plutôt. Peut-être venir sur le site de Montiroche, peut-être. Voilà, Montiroche. C'est d'abord Montiroche. Il y a un mur d'escalade. Oui, mais à Montiroche, il n'y a pas de temps. Différentes voies d'escalade. Ah oui, c'est là. Ça serait là. Le site de Montiroche. Mais il y a énormément de sites dans le massif vosgien où on retrouve ce type d'abri sous roche. Ça peut être souvent abri sous roche. Des grosses roches de pudding, des roches sédimentaires. Et justement, vous faites justement des visites guidées un peu Non, pas du tout. C'est uniquement la marche. Oui. C'est uniquement. Ce que je voudrais dire donc également, donc pour les, on parle des sites, mais des séances. Donc on pratique la marche nordique. On organise des séances les lundis matins. Oui. Les mercredis après-midi. Oui. Les jeudis soirs. Et alternativement. Une semaine sur deux, soit le samedi, soit le dimanche. Oui. Et on organise pour les sorties du dimanche une sortie extérieure par trimestre. D'accord. Et pour les sorties du lundi, on organise une sortie. Alors, ce qu'on appelle sortie extérieure, c'est une sortie extra-communale. de Saint-Nabor. Donc on va aller sur, je sais pas, sur Basse sur Loru, sur Sapois, sur Vanier, sur le Giremont Val d'Ajol, tous des secteurs comme ça, quoi. Voilà. Oui. Mais j'ai... Est-ce qu'il y a des photographes parmi vous? Parce que quand on fait des belles balades, parfois on est tenté de sortir l'appareil photo de la poche et puis de faire un ou deux clichés, quoi. Mais il faut quand même pas confondre. Il faut quand même pas confondre marche nordique et randonnée. Oui. Donc d'accord. Les gens qui viennent marcher, faire de la marche nordique, ne sont pas là pour poser. Donc voilà, c'est une séance de sport. Hein, de c'est sport. Pas oui, c'est sportif. Voilà, c'est sportif. L'activité physique. Oh, il ne faut pas que alors, ça fasse peur aux gens non plus. Alors justement, moi j'y viens parce que... On découvre aussi les paysages, forcément, c'est comme la course à pied. Oui, oui. En photographie avec les yeux. Mais en fait, ce n'est pas le but. Mais c'est alors, voilà, justement, j'y viens parce que ça me brûlait les lèvres, l'idée depuis tout à l'heure. On avait reçu un médecin ici, on avait parlé d'une dépendance au sport. C'est-à-dire que l'addiction au sport. Alors, est-ce que la marche nordique peut rendre quelqu'un addict? Ben, je pense que c'est ça dans tous les sports. Oui, absolument. Sport, finalement. Donc, vous avez des gens qui n'ont pas fait du vélo aujourd'hui, ouais. Sont malades, quoi. Donc, qu'on peut être dépendant de marche nordique, je pense. Pour autant, c'est surtout, aussi sa propre santé, c'est une activité sportive qui profite à la personne, etc. Alors au départ, c'est une activité physique avant tout trop sportive, et je voudrais ne pas faire peur aux futurs adhérents, on fait des groupes de niveau, comme type en ski. Il y a des groupes qu'on appelle nous des groupes bleus, des groupes verts, des groupes c'est rouges. C'est bien ça. Donc, et des groupes vraiment verts. Au début, donc, quand les gens font l'initiation, et après, donc, suivant les capacités physiques, ils peuvent monter en groupe bleu, en groupe rouge. C'est plus donc, sécurisant, plus sécurisé. Et puis donc, c'est pas le but de faire de la compétition, du tout. Oui, c'est pas votre but de mettre les gens par terre, quoi. C'est le but de faire une activité physique. Ça existe quand même, une compétition. Et un bienfait. Mais c'est pas le but de votre club, de votre association, de faire de la compétition. C'est pas de la compétition, du tout. Du tout, n'en faites pas du tout, parce qu'il existe c'est quand même des compétitions de marché nordique. Oui, mais c'est pas le but initial du tout. C'est pas du tout le but initial. Alors moi je voudrais revenir peut-être pour continuer donc sur expliquer un peu sommairement le déroulement d'une séance de marche nordique. Et puis donc les bienfaits. Oui, c'est important. Donc, après on voudrait quand même parler un petit peu donc de la marche populaire, de choses comme ça. Oui, alors avant ça, puis on rappellera la fin de l'émission, comment peut-on s'inscrire, hein? Parce que c'est aussi le but de ce soir, vous êtes venu pour promouvoir cette marche-là, vous faire connaître bien sûr de nos auditeurs, faire connaître du grand public, puis de bouche à oreille bien sûr, celui qui a pu écouter l'émission peut aussi répercuter l'information. Alors comment on peut prendre contact avec vous? Pour prendre contact, donc c'est très simple, on a un site internet qui est très très bien fait, où il y a moult informations. Il y a donc entre autres bulletin d'inscription donc annuel qui est à jour pour la future saison. Donc, et toutes les activités qui sont déclinées, les horaires des activités, et on parlait de photos tout à l'heure, il y a aussi une galerie photo de différentes séances, aussi bien les marches seniors du mardi que la marche nordique, que d'autres activités. Donc un site également, et surtout, donc on parle essentiellement ce soir de marche nordique. C'est bon d'avoir des contacts physiques avec les personnes quand même. Oui, aussi. Oui. Donc, notamment, donc tous les bénévoles encadrants, initiateurs de marche nordique ont leur photo, leur trombinoscope sur le site de marche nordique. Oui. Ont leur nom. Donc il y a toutes leurs coordonnées. Il y a plusieurs coordonnées qui sont sur le site, donc de prise de contact. Voilà. Donc c'est quoi le site? Le site donc Falière. Vous allez sur Falière Sport Détente. Vous avez toutes les informations. Et là, vous avez une quantité... On peut faire SFD. FSD. FSD. FSD, ça suffit. Falière Sport Détente. Ça suffit pour accéder à votre site. Bah, mettez tout de suite Falière, et puis donc vous allez avoir la suite qui va venir très rapidement. Automatiquement. Oui. Okay. Oui. Donc pour nos auditeurs, bon, ça paraît simple pour prendre contact avec vous. C'est simple pour prendre contact. Oui, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, 90 à 95% des gens sont équipés à informatique. Et donc, Les autres peuvent prendre contact avec... Bien sûr. Avec l'association. Avec Jean-Paul ou Jean-Noël. Bien sûr. Il y a une adresse. On peut leur redonner rendez-vous. Donc déjà, il reste deux jeudis. Donc pour ce mois-ci, à partir de 18h15, au rendez-vous... local de Falière. À la chapelle de Falière. À la chapelle. Donc pour séance découverte. C'est notre siège. Et ensuite, on reprend nos activités le samedi 15 septembre, un peu plus haut, au stade de Falière. Donc là, rendez-vous à 13h45 au stade de Falière. Voilà. On rappellera peut-être ça en fin d'émission. On va parler quand même de la marche. Des bienfaits de la marche nordique, puisque tous les sports, les sports en général, à part certains sports qui comportent des risques, qui comportent véritablement le fait qu'on peut dépasser ses limites, le sport contribue bien sûr à la santé, mais en particulier la marche nordique, parce que là, on est un peu plus que la balade. La marche classique, je veux dire qu'on peut pratiquer avec des clubs vosgiens ou d'autres organismes. Là, on est quand même dans une activité sportive qui permet à l'organisme de prendre la mesure de ce qu'on peut faire, développer ses capacités sportives, mais aussi sa santé. En fait, il y a une aide avec les bâtons. Ça aide le corps à aller doucement. De pas faire d'efforts de vieux. Travailler les muscles. Donc ça a beaucoup d'avantages. Hein. Donc ça permet d'une part de se muscler. Hein, parce que la marche nordique, vous avez un mouvement complet. Oui. C'est un sport qui fait en principe travailler plus de 80% des muscles, qui équivaut au ski de fond. Donc, ou à la natation peut-être. Plus que la natation. Plus que la natation. Même plus la natation. Donc ça permet de mieux respirer. La position du marcheur nordique. Permet une ouverture de la cage thoracique. Vous avez aussi une meilleure irrigation et donc un accroissement des capacités cardiovasculaires et du rythme cardiaque. Vous pouvez aussi, si vous en faites, il faut quand même faire un petit peu, donc permet de perdre du poids. La dépense énergétique peut augmenter de l'ordre de 46% entre un marcheur nordique et une personne qui fait de la randonnée. Et puis, bien sûr, un exceptionnel confort de marche. Je crois qu'il est agréable, en fait. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est les distances. Alors, on va peut-être parler du déroulement d'une séance. Séance dure 2 heures de temps. Et cette séance de 2 heures comprend environ 10 minutes d'échauffement. C'est indispensable, l'échauffement. Ben oui, parce que là, on va faire en quelque sorte un déverrouillage articulaire. Donc, à la fois les cervicales, les épaules, les jambes, les genoux, les chevilles. Donc, dans tous les sports, on devrait faire systématiquement de l'échauffement. Voilà. C'est un déverrouillage articulaire surtout. Et donc, l'échauffement musculaire en même temps. Donc, on va faire grosso modo 1h40 de marche, 1h45. Bon, après, les séances peuvent être un peu raccourcies ou un peu allongées, suivant la météo et tout ça. Et puis, la séance, en suivant les groupes, donc vert, bleu, rouge. Donc, un groupe vert va faire 7,5 km à peu près. Ouais. Un groupe intermédiaire, 8,5 km. Et le groupe rouge, 9,5 km. D'accord. Voilà, donc pour exprimer. Et après, donc on termine la séance par une séance d'étirement. Donc on a fait travailler les muscles, donc on a besoin de les relâcher. Donc on étire les muscles une dizaine de minutes, pareil. Voilà, et la vitesse, on peut dire qu'on marche, un marcheur qui marche bien, marche environ sur du tout terrain à 5,5 à l'heure, 5,5-6. 5,5 à l'heure, un bon marcheur. Mais des marcheurs qui marchent beaucoup plus vite, bien sûr, et aussi d'autres qui marchent moins vite. Pour ça, donc, l'avantage de faire des groupes. On parle de santé. Donc, je suppose que l'inscription comporte un certificat médical obligatoire. Alors oui, le certificat médical est obligatoire. Parce que je crois qu'il faut, il faut qu'on le dise à nos auditeurs, à vos futurs adhérents quand même. La plupart des pratiques des sports, je dirais presque tout, pratiquement tous les sports, qui peuvent comporter des efforts physiques soutenus imposent, c'est la réglementation, oui, c'est la loi, donc un certificat médical qui précise qu'il n'y a pas de contre-indication à la pratique de ce sport. Puis dès le moment où c'est fait dans le cadre d'une assoce, le certificat médical est obligatoire aujourd'hui. Ah oui, c'est la loi. Hein. Exactement, il faut quand même que les personnes sachent. Puis ça permet aussi, certificat médical, de déceler certaines incompatibilités. Hein, En général, le médecin traitant, il connaît son patient. Donc, à partir de ce moment-là, il peut déterminer si c'est bénéfique. Il ne faut pas que ce soit dangereux. Ça pourrait être dangereux pour la personne qui ne serait pas, en état de santé. Il y a très peu de contre-indications. Oui. Très peu de contre-indications. Il y a un rapprochement qui se fait entre les kinés aujourd'hui en France et les associations qui font de la marche nordique. Il faut dire qu'en Allemagne, les premières séances de marche nordique sont remboursées par la Sécu allemande. Oui, j'ai appris ça. Actuellement. Donc, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a eu une heure de marche sur son ordonnance de médecin. Oui. Suite à une opération du genou. Oui. Il y a des questions en France. Il y a un rapprochement. Donc la marche, c'est quand même intéressant sur le plan médical. Tout à fait. Et pour des personnes qui, par exemple, souffriraient d'arthrose, il y a des contre-indications ? Vous savez pas ? Mais pour l'arthrose, au contraire. Alors, l'arthrose, il ne faut surtout pas s'endormir. Hein. Personne qui a de l'arthrose, il faut se bouger. Ouais. Au contraire. Mais c'est très bon pour l'arthrose. Je crois qu'on s'aperçoit de plus en plus Mais le fait justement de quand même développer une certaine activité importante n'est pas contradictoire par rapport à certaines pathologies. Je pense que certaines pathologies, oui, mais pas l'arthrose. C'est sans doute une question de dosage. Je pense que même une personne que vous ne pourriez pas accepter au début parce que le médecin a dit qu'il ne valait mieux pas, en faisant une phase intermédiaire de son propre chef, la personne fait le tour du quartier en marchant très lentement, puis un peu plus vite, puis un peu plus vite. Puis quand il se sent en forme, il fait une visite médicale et peut-être qu'à ce moment-là, vous pourriez l'admettre alors que ce n'était pas le cas au début. On a des amis de médecins qui préconisent ça dès aujourd'hui. Hein. C'est un peu le but de ce que disait Jean-Noël tout à l'heure. Donc l'organisme de Remiremont, donc le RAPS, c'est les médecins qui incitent les gens, leurs patients, à se remettre à une activité physique. Bon, il n'y a pas que la marche nordique, il y a d'autres activités partenaires, mais la marche nordique entre autres. Et c'est bien ce qui prouve que la marche nordique fait partie des activités qui peuvent être source de remise en train d'une activité physique et puis donc de bienfaits. Ce qui me marque en fait, c'est que ça a vraiment pas l'air violent du tout. Ça a l'air d'être un sport. Ça mobilise quand même. Après, il faut pas se faire violence non plus, comme on dit, donc progressivement et franchir des paliers de remise en forme ou autre. Et après, on peut se faire violence aussi pour certains des sportifs donc qui veulent faire une sortie un peu plus tonique. Oui. On a abordé que succinctement un petit peu le public. Hein, parce que là, j'ai relevé tout à l'heure que vous disiez que la moyenne d'âge était plutôt vers la cinquantaine. Oui, bon, on a des jeunes, enfin on a des plus jeunes, hein, on a des gens qui ont 30 ans, de 30 ans à 70 ans, hein, il y a des personnes de 70 ans qui marchent un 5,5 sans problème, hein, elles peuvent même aller au-delà. Hein. Ah, oui. Mais la moyenne des adhérents, c'est plutôt vers la cinquantaine. Oui, tout à fait. Et il y a certainement beaucoup de personnes qui ont pratiqué un sport de compétition avant. Qui se recycle en quelque sorte. On retrouve des coureurs à pied qui ont les articulations entre guillemets un peu fatiguées, des cyclistes bien sûr, des footeux aussi oui bien sûr. Donc c'est quand même moins violent et c'est un sport, on peut presque dire que c'est un sport porté, les bâtons aident pour les articulations. Oui, c'est le mot. On subit beaucoup moins les chocs en marche nordique qu'en course à pied. Michel, maintenant, tu peux te mettre à la marche nordique. Il est peut-être temps. Je cours encore. Le signe pour la marche nordique, c'est le premier cheveu blanc, par exemple. Non, c'est pas ça. Mettre. Non, c'est pour blaguer. Hein. Ouais, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une fois la technique bien acquise, on peut alléger le poids du corps de 30%, parce qu'on fait travailler beaucoup les épaules, les bras, le buste. Bon, il faut pas avoir les épaules démontées non plus, bien sûr. Hein. Non. Mais donc, avec la poussée des bâtons, la propulsion, donc on allège le poids de son corps. Quoi. Et notamment les articulations des genoux, bien sûr. Hein. Oui. Alors, de manière anecdotique, par rapport au bâton, j'ai fait plusieurs émissions, avec un ami qui a décrit le chemin de Saint-Jacques. Et puis, la première année où il est parti sur le chemin de Saint-Jacques, il est parti de Dommartin, en fait, hein, directement, et il a été obligé de renoncer après la traversée de l'Aubrac, et il s'est arrêté chez son fils. Il avait une fissure au pied. Il y avait eu aussi des conditions climatiques très très dures, hein, c'était au mois d'avril. Il y avait de la neige dans l'Aubrac, hein, l'Aubrac passe quand même à plus de 1400 mètres d'altitude, et donc il était extrêmement extrêmement fatigué, et là il avait une fissure osseuse au niveau du pied. Et on lui a dit, les marcheurs un peu expérimentés, qui avaient l'expérience du chemin de Saint-Jacques, lui ont dit, il ne faut jamais partir sans bâton. D'autant plus qu'il y a un sac de 10 à 12 kilos dans le dos, et donc les bâtons permettent effectivement de porter le poids du corps. Hein, environ 30%. 30%. Hein. Ah oui. Et d'autant plus si on a un sac à dos. Alors, est-ce que la marche nordique, vous ne la pratiquez pas avec un sac à dos quand même? Ben, si, un sac à dos, un sac à boisson, pas d'eau. Un sac à boisson. Donc, il est très recommandé, et même obligatoire chez nous. Donc, on oblige, le marcheur à avoir un équipement, comme Jean-Paul le disait tout à l'heure. Donc, avec des bâtons adaptés, avec des chaussures adaptées, et bien sûr, un camel bag, une ceinture à boisson avec un peu d'eau. Un peu d'eau et puis un peu de barre de céréales, un peu de choses comme ça, oui. Donc éviter le coup de pompe. Pour éviter, parce qu'on sait qu'après à peu près une heure et demie d'effort intense, on arrive à une hypoglycémie souvent. Hein, on va pas, bien sûr, des athlètes de haut niveau qui font des régimes spécifiques. Tu l'as peut-être fait, Jean-Noël, à un moment donné. C'est sûr qu'au bout d'un certain temps, le glycogène du corps est parti. Hein, pourrait-on dire, il est consommé, et donc il y a nécessité de renouveler quand même. Moi j'ai une question, est-ce que je pense que ça doit être bon pour le dos aussi, parce que quand on marche et qu'on n'a pas les bâtons, on fait des efforts violents, on tire sur le dos. Oui. Alors que là, ça aide justement le dos à les vertèbres bougent normalement. Tout à fait, avec les bâtons, donc justement on relève son corps. Ouais, on ne marche plus incliné, baissé, avec le système de propulsion des bâtons, quand on a bien acquis le mouvement, je le rappelle, et qu'on pousse bien derrière, on relève bien, on marche beaucoup plus droit, plus vertical, dans son axe vertical. Donc c'est très bon pour le dos et la colonne. Alors, Jean-Noël me fait signe, parce qu'on va parler aussi de la promotion de la marche populaire de Saint-Nabon. Ah oui. Alors, je suppose que la marche populaire, il n'y a pas que les pratiquants de la marche nordique. Il y a quelques Mais c'est quand même pas dire Sport Détente qui est promoteur de cette marche populaire. Alors, marche populaire... Dis-nous tout. Voilà, Jean-Noël. La marche populaire existe à Saint-Nabon depuis l'an 2000. Cette année, on fait la 20e marche populaire. Donc, avec un petit quelque chose en plus, on organise un 50 km. C'est une première dans les Vosges. Wow. Donc, les marches populaires, nous, on s'est arrêté au marathon, 42 km. Et cette année, donc, il y aura un 50 km. Donc, je vous donne tous rendez-vous le 19 mai 2019 avec, à la clé, un 50, un 42, un 20, un 10 et un 5 km. Et je te propose, Jean-Noël, de faire une barre d'annonce le moment venu. Enfin, maintenant, on peut déjà l'annoncer maintenant. Ah, bien sûr, parce que les inscriptions sont limitées. Non, c'est ouvert à tout le monde. Oui, on ne s'inscrit pas à l'avance, sauf parce qu'on a des fois des gens qui viennent de loin, qui viennent en bus, donc s'inscrivent à l'avance, surtout pour la réservation des repas. Mais autrement, non, l'inscription, c'est au départ, juste avant la marche. Voilà, en ce qui concerne notre marche populaire, je fais un petit coucou à notre présidente. Oui. Parce que notre Madame association Couval, n'a pas ça, parlé de notre présidente. Notre présidente, c'est Madame Couval, tout à fait. Oui, que, Madame que, Couval, j'ai, Michel. Rencontré, que j'ai rencontré à l'occasion d'une interassociation à Saint-Étienne-Hermermont où on était présente en radio locale. Voilà. Manu Couval. Oui. D'accord. Qui est entre autres donc, directrice de l'école des Brochottes. Ah oui, d'accord. Et qui s'occupe de la marche scolaire également. Donc, Alors, quelles sont. On a présenté Falière Sport Détente, mais outre le fait que vous êtes des encadrants, hein, des moniteurs, enfin des initiateurs de marche nordique, quelle est votre fonction au niveau de l'association? Vous n'avez que cette fonction ou bien vous êtes au bureau de l'association? En ce qui me concerne, je suis vice-président de l'association. Ah ben voilà. Initiateur, et puis responsable de la marche populaire. Voilà. Mm-hmm. Et puis, moi, je fais partie avec Jean-Noël, et donc Bernard Cuna, Alain Lequeux, donc et Manu, notre président, du comité d'organisation donc, de la marche populaire. Tout dit Naborien. On dit Naborien. Navorio. Et puis, je suis également commissaire aux comptes de la trésorerie. Ah voilà. Et je ne sais pas si Jean-Noël l'a précisé tout à l'heure, donc la 20e marche populaire. Donc bien entendu l'année prochaine. 2019, Parc de Falière. Bien sûr. Parc de Falière, bien entendu. Non mais c'est l'année dernière, donc on est parti du stade des Perrées. L'année d'avant on est parti du centre socioculturel et on y tenait plus particulièrement, s'appelant Falière Sport Détente, à faire le départ de la marche populaire à Falière. Mais 5 ans de bord. Pour la 20e. 5 ans de bord, ça veut dire qu'on démarre la nuit. Non, non Michel, t'as plus une notion des temps Michel, tu cours à 15 à l'heure, alors tu vois 15 à l'heure, donc faut pas 2 jours pour faire 50 km, non, un marcheur, tous ces gens qui font des grandes distances, des marathons, des 50 km, marchent en moyenne à 5 à l'heure, donc il faut 10 heures, en partant à 6 heures le matin, on va faire les départs à partir de 6 heures du matin, donc à 16 heures, voire 17 heures, tout le monde est rentré. Mmh. Oui. Mmh. Mmh. Bah, ouais. Vous faites pas de pause? Une petite pause déjeuner dans les 50 bornes, on marche tout le temps? Oh, oui, il y a des ravitaux en cours de route. Hein. Il y a des ravitaux quand même. Même de gros ravitaux. Enfin, on ne s'y attarde pas. On n'a pas le droit de s'y attarder. Non, pas trop. Hein. Non, pas trop, parce que y a quand même des temps extrêmes. Après, les contrôles, l'arrivée est fermée. Non, on demande aux marcheurs. Si les personnes arrivent à 20h, il y a encore des officiels pour les accueillir. Éventuellement, si une personne avait des problèmes, on peut déjà les récupérer. Les porter sur le dos. Et puis, oui. mais une petite mirabelle pour filer au dernier kilomètre. Il peut y avoir un problème. S'il y a un problème, comment ça se passe? Il y a le médecin qui vient. Est-ce qu'il faut un certificat médical spécifique? Non. Il suffit d'avoir simplement le certificat médical d'adhérent. Ou alors, si la personne s'inscrit, vous lui demandez quand même un certificat médical. Il faut qu'elle prenne un carton, qui s'appelle une cotisation de participation au départ. Mais ça s'appelle même une licence de participation, donc qui assure la personne sur le parcours. Revenons à quelque chose de plus, de plus facile. Alors, quelle distance qu'il y a au programme dans votre marche populaire? Alors, dans notre marche populaire, donc, je pense que je vous l'ai dit, je ne sais plus. Oui. Donc, on a 50 km de grande distance. Oui. Uniquement l'année prochaine, uniquement 2019, pour notre 20e anniversaire. Donc, il y aura aussi de l'animation, il y aura des déguisements, je ne vous dis pas, mais il y aura plein de choses. Oui. Et on garde toujours notre 42 km. Notre 42 km qui est dans les Vosges, on est deux en marche populaire à organiser un 42 km, Gérard May et nous. Oui. Et l'an prochain, il sera labellisé national. Ah, vous avez des concurrents alors? Vous avez Gérard May comme concurrent? Non, c'est pas la même date. C'est pas la même date. Hein. Oui. Au contraire, vous êtes peut-être solidaire. Ah, mais tout à fait. Donc, oui. On participe à la marche populaire. Il y a un calendrier national de marche. D'accord. Okay. Il y a environ une quarantaine de marches populaires par an. sur les Vosges. 40 marches populaires par an. C'est pas Michel Lavesse qui existe dans les Vosges. Non, Michel, ce n'est pas une marche populaire. Et puis il y a d'autres distances quand même. Voilà, il y a un 5 km pour les débutants. Un 5, un 10. Non, Michel, pas de problème. Il y a un 5, un 10, un 20 aussi. Voilà. D'accord. Et bien sûr, bon, c'est... Mais les heures de départ ne sont pas forcément les mêmes. Là c'est beaucoup à partir, donc les grandes distances, on les fait partir un petit peu plus tôt. À partir l'an prochain, donc, comme c'est la première fois que vous êtes tout à l'heure, donc on organisera un 50 km. On va faire partir à partir de 6 heures du matin. Autrement, le 42 km partait à partir de 6h30. Oui. Et les autres, en fonction de... Il y en a qui partent l'après-midi, qui font la marche en famille, qui font 5 km ou 10 km en famille. Oui. Non, on n'a pas de contrainte d'horaire. Et pas forcément marchandise. Ah non, pas du tout. Non, parce que 80... Il n'y a pas de contrainte de temps horaire. Il y a dans, chez nos marcheurs, il y a aussi des coureurs. Il y a des gens qui viennent s'entraîner pour le trail, qui vont faire le 40 km en courant, ou 20 km ou 10 km. D'accord. On est très ouvert. Oui, il y a une pléiade de sportifs de tout genre. C'est un parcours assez souple. Bon, avec des montées et descentes, bien sûr, mais qui n'est pas quand même quand on comparable à un trail. Non. Quand on part de Saint-Nabor centre ou des Perrets, on aime bien aller sur les hauteurs. Donc, il y a plus de dénivelé que cette année où on part, comme on part de Fallières, on part directement du plateau. D'accord. Ça permet quand même de ne pas être trop sollicité, hein, de ne pas trop solliciter dès le départ son cœur, ses muscles. Sachant que la grosse majorité des marcheurs, donc il y a de la convivialité, et donc c'est des marches famille également, donc beaucoup s'inscrivent pour le 10 km. Hein. Alors, combien qu'il y a de participants, parce qu'on va s'arrêter là, malheureusement, on arrive au bout de cette émission. Combien qu'il y a de participants l'an dernier ? On a une moyenne qui est très importante quand même, de 1500 participants de moyenne depuis la création, depuis l'an 2000. Donc, et voilà, plusieurs années, on tourne autour des 1800 participants. C'est énorme. C'est beaucoup. Sur une journée. Sur une journée. D'autres font un peu plus que. Mais on a une grande équipe. Fallières Sport Détente, c'est une très grande équipe. Ah oui, c'est vraiment pas la petite. On y fait face sans problème. C'est pas la petite assoce de quartier, quoi. C'est vraiment. C'est le business sans l'argent, quoi. Heureusement. C'est une grosse assoce de quartier. Comment ? C'est une grosse assoce de quartier. Oui, quand même. Oui, ben voilà, on arrive au terme de cette émission, hein, parce qu'il faut bien conclure, évidemment. Alors, rappelle simplement le site. Qu'on peut trouver Fallières Sport Détente, hein, FSD. C'est le site, qui est mis à jour très régulièrement par notre ami Bernard Cunard, qui est responsable de la communication et qui nous fait un site aux petits oignons. Donc pour nos auditeurs, c'est simple, on peut faire sur le site et on a tous les renseignements. Même ceux dont on n'a pas abordé le sujet ce soir. Tout à fait. Merci à vous. Merci. Merci également. Merci à vous. Et puis bien sûr, quand vous êtes une très très bonne fin de soirée.